Chapitre 36e. L'amoureux est conduit. Avez-vous assisté à la rencontre entre Samson Chardy et Marie ? Malheureusement non. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous à l'extérieur, qui s'est d'ailleurs révélé parfaitement inutile. Cependant, quand je les ai vus le lendemain, j'ai immédiatement compris que j'étais sur le point de perdre ma plus belle recrue. Quelle impression vous a fait Samson Chardy ? Au départ, absolument aucune. C'était peut-être ça le plus affreux. Il semblait de prime abord si commun. Sensiblement plus petit que Marie, un peu rondouillard, le cheveu trop long. Pas particulièrement soigné, pour ne pas évoquer son jean fatigué et déformé. En revanche, il y avait cet éclat dans le regard. On comprenait tout de suite qu'il était intelligent. Je n'ai pas été longue à apprendre qu'il était en train de devenir une pointure dans son domaine, et cela ne m'a pas surprise car on le sentait déjà très compétent. Il avait réponse à tout, mais je ne pouvais m'empêcher de trouver dommage que Marie soit tombée amoureuse d'un garçon au physique si banal. Lui en avez-vous fait part ? Je ne m'en sentais pas le droit. Elle semblait si heureuse, si épanouie avec lui. Samson, il faut le reconnaître, était vraiment gentil avec elle. Je pense, et je le comprenais, qu'il avait du mal à réaliser qu'une fille aussi belle puisse s'éprendre de lui. Lui aussi était comblé. Je crois me souvenir que si nous n'y avions pris garde, il aurait oublié de se faire rémunérer pour son travail tant il était heureux. Il était très délicat et je lui suis reconnaissante de ne pas avoir cherché à brusquer les choses. Jamais il ne s'est montré autoritaire ni possessif. Le travail de Marie n'a été perturbé en aucune manière, bien au contraire. En fait, jamais elle ne m'a paru plus belle. Elle l'irradiait littéralement de bonheur. Samson et Marie ont attendu 2 ans avant de s'installer ensemble. Vous comprenez ? Ils voulaient être sûrs, puis Samson travaillait déjà comme un fou avec son associé pour développer leur société. Dutilleul redoubla d'attention car ce dernier point l'intéressait particulièrement. « Justement, avez-vous eu l'occasion de rencontrer l'associé de Samson Chardy ?»« Rencontrer, c'est beaucoup dire. Je l'ai vu au mariage, puisqu'il était le témoin du marié. Il est indéniable qu'il présentait beaucoup mieux que Samson. » Mais pour être honnête, oui, il ne me plaisait guère. Il y avait quelque chose de complètement artificiel chez lui. Pour tout vous dire, je ne crois pas qu'il faisait grand cas de Samson Chardy. Je n'ai pas aimé les histoires qu'il a racontées tout au long de la soirée, et Marie ne semblait pas apprécier davantage. Voici qui est intéressant. Pouvez-vous vous montrer plus précise ? Eh bien, je vais jurer à Marie de garder le secret sur tout cela, mais puisqu'elle n'est plus là maintenant... Voyez-vous, c'était peu avant son mariage. Elle est passée un jour à l'agence, ce qui arrivait souvent puisque les contrats continuaient d'affluer, même si elle l'avait beaucoup ralenti. Ce jour-là donc, je l'ai immédiatement sentie différente. Elle était profondément bouleversée. Pour la première fois, je l'ai sentie terrifiée. J'ai tout d'abord cru que sa dernière séance de pause s'était mal passée, mais comme je n'avais pas eu d'écho particulier, j'ai rapidement compris qu'il s'agissait de tout à fait autre chose. Je l'ai emmené dans mon bureau et, patiemment, je suis parvenu à lui faire raconter ce qui lui arrivait. Elle a fondu en larmes. Elle m'a alors expliqué que le fameux mousseron ne cessait de la déshabiller du regard. Il se montrait même si insistant que cela en devenait gênant. Je lui ai alors demandé s'il avait eu des gestes déplacés, mais elle m'a rassuré en me disant qu'il n'en était rien, pour l'instant. Cependant, elle se tenait sur le qui-vive. Je connaissais bien Marie. J'ai senti qu'il y avait plus que cela. Un incident assez grave avait dû se produire et la pauvre n'osait m'en parler. À mon corps défendant, j'ai dû la presser un peu pour qu'elle finisse par m'avouer, entre 2 sanglots, que Mousseron venait de passer à l'improviste à l'appartement, sous prétexte de récupérer un dossier que Samson aurait oublié de prendre. Dutilleul, captivé, laissait Hermine de Vaillac dévider la pelote. D'entrée, l'histoire avait paru suspecte à Marie, car il arrivait bien à Samson de se montrer tête en l'air, mais jamais au niveau du travail. Chaque soir, il rangeait soigneusement ses affaires dans sa sacoche et vérifiait surtout qu'il n'avait rien oublié, car il détestait rien de plus que de devoir retourner à l'appartement en pleine journée. Marie eut alors la prudence de garder ses distances et bien lui en prit, car Mousseron, une fois entré dans la place, avait exhibé un énorme bouquet de fleurs qui n'était pas du meilleur goût. Les fleurs étaient grosses et voyantes. Il lui avait tout de go déclaré passionnément sa flamme, la suppliant au passage de ne pas épouser un guignol comme Samson. Marie m'avoua alors qu'elle n'avait jamais trop apprécié Mousseron. Certes, il était assez bel homme, mais il lui déplaisait, sans vraiment savoir pourquoi. Vous comprenez, Hermine, je ne le sentais pas, ce type. En revanche, en côtoyant de près les deux hommes, elle avait compris tout de suite ce que Samson s'obstinait à ne pas vouloir voir. Mousseron le haïssait cordialement. Comme il était tout de même l'associé de Samson, Marie devait maintenir une certaine façade, mais intérieurement, elle l'avait pris en grippe. Le fait était effectivement intéressant. Dutilleul était fort curieux d'en connaître le dénouement. Comment est-elle parvenue à se tirer de ce mauvais pas? En jouant la comédie. Elle a fait la surprise la plus totale. Elle a répondu à Mousseron qu'elle avait besoin de s'habituer à cette révélation, car pour l'heure, elle se sentait complètement perdue. Est-ce que cela a calmé Mousseron? Pas le moins du monde. Il lui a alors demandé si elle n'avait pas remarqué ses regards enflammés. Marie a trouvé l'aplomb nécessaire pour lui répondre que non, qu'elle ne voyait absolument pas ce qu'il voulait dire. Surtout, avait-elle lourdement insisté, elle ne voulait plus entendre parler de rien, car elle était complètement bouleversée par cet aveu des plus inattendus. Elle sentait que c'était là sa seule porte de sortie, car il n'était naturellement pas question que Mousseron la touche, la souille, comme elle me l'a dit avec force. Le viol moral était déjà suffisamment grave en lui-même. Quelle a été la réaction de Mousseron? Ce fut la douche froide. La température est redescendue instantanément. Il s'est senti dans une situation particulièrement embarrassante et, visiblement, il n'en menait pas large. Il a vite compris qu'il lui fallait fuir au plus vite, avant que Marie ne rapporte l'incident à Samson. Il a dû penser que Marie était peut-être légèrement demeurée et qu'il s'était comporté comme un imbécile. Marie m'a rapporté avec un pauvre sourire qu'il s'était littéralement enfui, oubliant au passage le dossier qu'il était censé être venu chercher et qui bien sûr n'existait que dans son imagination. Marie, quant à elle, a jeté les fleurs au plus vite. Elle a pleuré toute la journée, mais elle a renoncé à en parler à Samson car elle ne voulait pas lui faire de peine. De ce jour-là, elle s'est attachée à ignorer superbement Mousseron et surtout à bien le lui faire sentir. De toute façon, il lui aurait été bien difficile de faire autrement tant elle était écœurée par son comportement. Dutilleul remercia intérieurement Hermine de Vaillac, car il trouvait son témoignage particulièrement éclairant. Ainsi, comme l'avait mis en garde Henri Castex, Mousseron, par sa prétendue franchise, l'avait bel et bien manipulé. Son attitude outrancière s'expliquait beaucoup mieux. Si Marie l'avait rejeté, elle l'avait vexé, et il ne le lui avait jamais pardonné. Une fois de plus, il se révélait qu'Henri Castex voyait juste. Franchise n'était pas vérité.